Mes amis, avec l'arrivée du froid, j'ai chopé la crève. Pourtant, je m'étais couvert comme il le fallait. J'avais mis mes bas résilles en peau de phoque, mon Marcel en vison, et mes tiags en loutre. Je comprends pas. En tout cas, hier soir, j'avais une fièvre de babouin. J'étais dans mon lit en train de délirer. À un moment, je me suis réveillé en sursaut. Quand j'ai vu la radasse qui dormait à côté de moi, je l'ai prise pour un marcassin. Je l'ai balancé par la fenêtre. Oh, je me sentais tellement mal. J'arrivais même pas à prendre ma température. Pourtant... Vous me connaissez, les amis. Je vais pas t'aider, hein. Je suis pas du genre à hésiter longtemps devant un orifice. Surtout quand il s'agit du bien. J'ai donc dû me résoudre à demander de l'aide. Comme j'étais très mal, j'ai convoqué certains de mes proches. Une demi-heure plus tard, à côté de mon lit, et moi dedans, j'étais entouré de Zouzou, habillé en infirmière lubrique, et de Valérie. Allez, Almoutoutoutou, nous va prendre une température! Qu'est-ce que c'est que ce thermomètre énorme? Mais c'est dingue, on dirait un extincteur! Ah, moutoir les os, extincteur, pardon, je fais confusion. Je me disais aussi, c'est petit pour une thermomètre à Zouzou. Toi, pas bouger, Helmut. Zouzou, j'ai chez le vrai. Oh, bordel de Francfort, j'en ai marre. Je vais vous en profiter de cette position pour vous épiler les fesses, mon bon Helmut. T'as craqué, toi? Pas du tout. Moi, j'ai commencé à me lisser le corps l'année dernière. Mais croyez-moi, hein, ma femme en est friande. Tenez, je vais me mettre à poil, vous allez voir, c'est quelque chose. Non, non, non, non. Valérie, te mets pas à poil chez moi. Je veux pas. Je vous tente pas de voir un corps sculpté, un corps superbe. Arrête, je vais gerber, Valérie. Mais enfin, une moutre, rasez-vous le cul, bon sang, on dira un primate. T'es venu pour me dire ça, tu peux rentrer chez toi, l'académicien, hein. Tu vas laisser mon derrière tranquille. Bon, je vais vous faire une petite soupe, je vais vous faire du bien. Un schnapps, plutôt? Non, une soupe. Et une soupe au schnapps, alors? Banco, j'ai gagné, j'y vais. Ça y est, je vous trouve le thermomètre à Louis-O. Non, mais tu plaisantes, il est encore plus gros que l'extincteur de tout à l'heure. Bah oui, le Zouzou, il a toujours le bon matériel. Ok, c'est bon. Merci les gars, ça va mieux. Allez, bonne journée. Et mon Christophe, c'est vrai que ça allait mieux d'un seul coup. Rien que de voir le machin du Zouzou, j'étais plus malade. Ah, comme disait ma grand-mère Olga, ouh, ça fait chaud au cul. Voilà, voilà. Ah, d'accord. Oh, mais des zènes.